100% rap français, planète rap. La nocturne. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français, juste après Difool, comme chaque vendredi soir, minuit 8. On est parti avec des nouveautés à découvrir dans la nocturne 100% rap français tout à l'heure. À pas louper, une heure consacrée à Gynéco qui débarque dès la semaine prochaine dans Planète Rap entre 20 et 21 avec la réédition de Première Consultation. Et là, on attaque d'entrée de jeu avec un monsieur qui s'appelle et qui répond au nom de Kekra. Le morceau s'appelle Pas Joli. C'est parti, c'est la nocturne 100% rap français. 100% rap français, Planète Rap. La nocturne. Kekra, nocturne. Les messages, hashtag la nocturne 41759, balancez les messages. Minuit 9, on est en direct. C'est la nocturne 100% rap français. Issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Chen Diego, Armando, Matessi, c'est Napoli. C'est la guerre dans ma tête, ma jolie, tout va trop vite. J'suis issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Chen Diego, Armando, Matessi, c'est Napoli. C'est la guerre dans ma tête, ma jolie, tout va trop vite. J'suis issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Trop validé pour les valider, valider. Inattendu, le flusher les fait saliver. J'suis issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Balance à garonneur, je mets pas de Zanotti. Tu traînes en bas de chez moi, espérant qu'on s'associe. J'suis un Barça sous peu frat, tu fumes de la camomille. Ils racontent leur blabla, j'fais gronder la Krapovic. Les jaloux maigrissent gros, ils perdent là les calories. Issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Chen Diego, Armando, Matessi, c'est Napoli. C'est la guerre dans ma tête, ma jolie, tout va trop vite. J'suis issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Chen Diego, Armando, Matessi, c'est Napoli. C'est la guerre dans ma tête, ma jolie, tout va trop vite. J'suis issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Ouh, quel hagra de merde. Ouh, eux et moi c'est pas la même, gros. J'suis sous Y300 sous Gamezo. J'm'amène le game sur le tempo. Plus de monnaie, plus de blême, pro. Mauvais œil à fond sur le benzo. Préparé au edge le game, gros. Posé au fond dans le bain. Voudrais chanter sur ma bille. Issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Chen Diego, Armando, Matessi, c'est Napoli. C'est la guerre dans ma tête, ma jolie, tout va trop vite. J'suis issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Chen Diego, Armando, Matessi, c'est Napoli. C'est la guerre dans ma tête, ma jolie, tout va trop vite. J'suis issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Kekra 9-2, pas joli. Sur la bête, fouilleux. Dispo sur les réseaux sociaux, Kekra. Grammes de frappe zère dans les souliers. Le hashtag c'est la nocturne, le hashtag c'est Skyrock, ça arrive dans le studio. 100% rap français. Moi c'est pas la même. Issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Chen Diego, Armando, Matessi, c'est Napoli. C'est la guerre dans ma tête, ma jolie, tout va trop vite. J'suis issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Dédicace à Guapa, qui a balancé le son dans la nocturne 100% rap français. On part ou pas pour la frotra? Petit pas. Album de Lefa. Localisé. À bout de bang, Shinsekai, Lefa. On va te traumatiser. Pas l'habitude de rater quand nous casse.

100% rap français, Planète Rap. La Nocturne. Il débarque bientôt dans Planète Rap, sorti le 15 avril. MHD, l'album. Voici Afro Trap 6. On pourrait te liquider pour des grosses sommes. Billets green et purple, fruit de la passion. Négro vont la m'attaquer, Rolex, mauvaise idée. On m'a dit que j'étais le prince, je suis plus m'arrêter. Quand t'as fumé ma moula, arrêtez pas la bouteille dans les puceaux. Moi, je suis seul dans mon couloir. Check calcem, c'est check calcem. Comparez pas les matisels et mon capricem. C'est plus du passe pour retrouver le silence. Les gens vous m'appellent, j'ai répondu présent. Quand j'ai perdu personne, j'ai les couilles en ciment. Libérez nos potos, ça fait déjà longtemps, ouais, ça fait déjà longtemps. Tu t'aimes ou t'aimes pas, je vais rester le même. J'y vais mollo, mollo, car les gens ne s'inquiètent. Fils, fais les choses bien. Avant de partir 6, fais l'effet d'un extinct. J'y vais mollo mollo, mais moi j'y vais mollo mollo. Frappe les mollo mollo, j'y vais mollo mollo. La concu est dans le rétro, les potes m'ont dit qu'à vous passer les mollo mollo. Et moi j'y vais mollo mollo, frappe les mollo mollo, j'y vais mollo mollo. La concu est dans le rétro, les potes m'ont dit qu'à vous passer les mollo mollo. Entrer dans le rap game, un petit geste, et puis j'm'en mêle pas les pinceaux, j'suis pas assez artistique. Après être parti 6 sans l'instru acoustique, j'représente Panam 19 près de Titi, reste tranquille. Colonel la bargue et Varache. Première place dans la cheval, reste les yeux percés. Trop éclaire pas comme une personne sans percée. Pas une vie de merde dans une cité décidée. Corriger mes fautes comme un dicté, la sonde du RAP. J'me suis injecté, surbois injection. Rando en pression, on tient carapace de jeune masse de coups de pression. 750 paquets, freestyle de paquet. J'répète d'être piqué, même trop mis ma braquet. Des juges j'ai claqué, ok j'ai gâté. J'te mets peut-être des airs, mais j'serais bien les zappés. J'y vais mollo mollo, et moi j'y vais mollo mollo. Frappe les mollo mollo, j'y vais mollo mollo. La conduite est dans le rétro. MHD 15 avril dans les bacs. Les messages hashtag Skyrock, hashtag la nocturne. 100% rap français. Nouveau son de Siana aussi maintenant. Planète rap. 100% rap français. Le morceau s'appelle Urgence, Siana. État d'urgence. Ce soir c'est danger, la piste est pleine mais je vais quand même danser. Personne va m'arrêter, je suis avec mon équipe, on va tout ambiancer. Un mec s'est fait têche, faut appeler l'ambulance. La soirée est longue, j'espère que t'as de l'endurance. Préviens tes go, préviens ton gars. Ce soir pas de concurrence, ok marquez le pas. J'ai dit marquez le pas. Donne-toi à fond si t'es pas sûr de toi. Dis-leur on est en place depuis la case départ. Attends. Commence. Marquez le pas, j'ai dit marquez le pas. Donne-toi à fond si t'es pas sûr de toi. Dis-leur on est en place depuis la case départ. 2016 c'est pour nous frérot, sois sûr de toi. Même pas prêt. Les frérots ça dit quoi, c'est l'Afrique aux commandes. Sac origine dans une voiture allemande. Le pilote a bu, je crois qu'il y a urgence. Faut appeler l'ambulance. Je suis dans la boîte et c'est plein à craquer. Tu repars en voiture même si t'es venu à pied. L'alcool c'est de l'eau, mais qui t'a dit ça? Si tu bois comme Evian tu vas regretter. Donne-moi du coca, moi je vais pas chipoter. Si t'es mal sapé tu restes sur le côté. Tout se passera bien, on est là pour l'ambiance. Mais s'il y a urgence faut appeler l'ambulance.

chialer, tiens mon épaule. On piétine après l'heure du tour. Ils veulent tous faire de la trappe, faut les laisser. Ils veulent tous faire de la trappe, faut les laisser. Ils veulent tous faire de la trappe, faut les laisser. Ils veulent tous faire de la trappe, moi je suis né. Moi je suis né, moi je suis né. C'est la nocturne 100% rap français. La fouine. Dame, c'est dans la maison. Gedgies est dans la maison. La guapache est dans la maison. Philippine est dans la maison. Je t'ai dit, c'est trop facile ce bordel. 100% rap français. Allez, voir ce que ça donne. Coupe celle-là, mets l'autre. Planète rap. 100% rap français. Le clip est arrivé aujourd'hui. Balti, Gradure qui était dans Planète Rap. Très très lourd. Avec B2O. Balti a écouté maintenant. Bigrave et détail dans le four. Bigrave et détail dans le four. Sa bibi, sa détail, sa bibi, sa détail. Sa bigrave et détail dans le four. Bigrave et détail dans le four. Bigrave et détail dans le four. Comme Marlon en enquille et Yankee sont Balti et McNulty devient fou. Elle est bonne, elle en fait lui un gosse. T'es là si le bébé est moche. Nique sa mère, l'échec et l'échec, j'ai de la drogue. Y'a pas que sur la tête qu'il faut placer un pop. J'fais trois showcase par semaine. Remballe ton salaire de merde. Et crève en enfer. Dans le cul d'un travail bouquet. On se pavane dans le secteur comme on a Harlem. Pas de comme Jordan et Crixus dans l'arène. Les rappeurs nous prennent, les groupes ils nous aiment. L'oiseau ne suce pas et vole de ses ailes. On s'est mis dans le rap pour décoller. On a fumé de l'air pour décoller. Aujourd'hui j'prends l'avion avec dans slip du shit cellophane. Les amis, les soucis, les groupies s'accumulent. Ça tombe bien en ce moment mon club s'ennuie. Comme Marlon, on rédit sur Carlo dans le buffet. Si l'un de ces salauds veut nous nuire. Comment vous dire, j'suis paranoïaque. J'ai coupé la C avec de l'ammoniaque. Allez, pétasse, mets-moi de l'huile. J'vais entendre le bruit du canon quand il zack. Bigrave et détail dans le four. Bigrave et détail dans le four. Sa bibi, sa détail, sa bibi, sa détail. Sa bigrave et détail dans le four. Bigrave et détail dans le four. Bigrave et détail dans le four. Comme Marlon en enquille et Yankee sont bâtis. Et McNulty devient fou. Gradure officiellement chez Gay. Même si je me suis désabonné. Nanterre, Bois d'Arcy, la santé. Merci mais j'ai déjà donné. Ça pique grave et fort dans le réseau Fouzou. Pile au moins rentable que la dreuse Pouzou. La chante à la greffière, la chante à la greffière. Fusil dansant sur la tempe à la caissière. On n'attend pas leur salaire. Armé en in, entends-tu pas le CR. Enfouraillé comme section KCLR. J'suis leur père et j'suis sévère. J'suis dans les bails de construction de mansion. 60 je pisse sur un yacht, on les aime jeunes. Sur ton mur de trophées, j'retiens que les gods à 100 ans seraient numéro 1 comme pas que les hoches. J'fais pas l'apologie du crime. J'fais celle des sommes à 10 chiffres. Son droit à depuis s'arrêtera-t-il. Tu lèves un doigt, tu prends des chiffres. Qu'est-ce que j'vais dire aux petits gars. Assumez les délits que vous commettez. J'lui fais divers, j'me fais sucer la pinga. Sirote mon café comme Bigrave et détail dans le four. Bigrave et détail dans le four. Sa bibi, sa détail, sa bibi, sa détail. Sa bigrave et détail dans le four. Bigrave et détail dans le four. Bigrave et détail dans le four. Comme Marlon en enquille et Yankee sont Balti et McNulty devient fou. Entrée des vaches, t'en gagne comme Sina. Comme au bout d'où je viens foutre le désordre. Le cauchemar des rappeurs sans sinoche. On les pousse à la retraite comme Sidor. Si la guerre est une forme de violence, je vais la manier de manière méthodique. Comme un virus, je vais répondre ma mélodie. Dans tous les taudis, tu peux jouer au Audi. Des tomes de Yankee, business en Balti. Tellement baisé, elle veut même plus repartir. Bebe dans le calcif, il sert les gamins. On fait plus de buff que tes MC, va dire à McNulty. On marre de la notion de la gueule dans les nasos. Armé comme un nazi, à plein cochard d'assaut. Une prise de la Bastille, du plan dans mon plastique. Du sac de vos nerfs, vogue et des putains de cachets. Le bouffe et la touche à arracher son string. Avant de crever comme stank, il est string. Bibi, toute l'année, faut que les lois en vie. Y'a de la y'a du tchak, y'a de la tasse et de la ligue. Je sais que je suis trop chaud, dis-moi qui peuvent tester. On vient prendre le contrôle, fais gaffe à tes fesses. De la coque dans vos vestes, t'as venu de l'Est. Et de la rue, la teste, quand on te pêche et pèse. Bigrave et détail dans le four. Bigrave et détail dans le four. Sa bibi, sa détail, sa bibi, sa détail. Sa bigrave et détail dans le four. Bigrave et détail dans le four. Bigrave et détail dans le four. Comme Marlon en enquille et Yankee sont Balti et McNulty devient fou. Dieu. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Ah, MK, l'artiste. Vida Loca. Oui. Yeah. Benga, benga, baila. Benga, benga, baila. Benga, benga, baila. Benga, benga, baila. Habillé chez les grands couturiers.

Niseke et le 3-1. 1-3 Benzin, c'est la bonne son. Ratatata, ramasse les douilles. Tu veux la gloire, tiens la rançon. Ratatata, ramasse les douilles. Pas les couilles de tous ceux qu'ils ont. J'arrive couille pleine comme le Père Noël. Pas les couilles de tous ceux qu'ils ont. J'arrive coup de pelle comme Bernie Noël. Une petite voix me dit Lego, Lego, game et game, retourne le butin. Tout se paye, fuck you pay me, game, game, fais tourner le butin. Le rap est mort, je suis sa dépouille, mes condoléances. Dis-moi où je signe, je vais avoir une larme, qu'une vie, qu'une âme. Le savoir une arme, dis-moi où je cible. Viens pas sympathiser, va te faire, je t'aime pas, tu sais. Je te laisse ma part de succès, mais je te laisse pas me la sucer. Je pisse sur ta putain de boue, mais je suis sur ta putain de bouche. Je suis sur le putain de tapis rouge, Aladdin sur hey, ta putain de comme je suis moi, je suis toujours le même. Ceux qui veulent peser mes couilles ou pisser sur ma dépouille. Après mon douze, ramasser des douilles, allez, tous niquez vos mères. Entre nous, un écart de fou. Je m'assois pas là où y'a pas des rats comme nous. Pas des tapins qui sucent à tous les feux rouges, tous les carrefours. On les part tous, on les efface tous. N.I.R. la crime, gros, on est partout. Sur nos parcours, on connaît les braves et les capous qui crachent même sur les sujets tabous. Partons pas, on casse tout pas, t'as pas touche à nos galouches. Même toi, un doigt comme laser, mais personne veut entendre parler de toi. Nous comme éditer que des vérités, peu de sincérité, tout est mérité. Évitez de parler, crédibilité, je suis pour l'unité. Demande à mon équipe, y'a pas de quoi douter. Ma fiabilité, tu sais qui pèse dans ton bloc of flow, crédit illimité. I'm a real and best, je suis là, c'est que le son part sur une bonne note, nigga. Gros, c'est la haine, motherfucker, préviens les. N.E. Gunshot T et grand sous le choc 2 puis one shot kick de toute force shit dans les veines. Pas la peine que t'essayes de nous ken. Donne un motherfucking tête, c'est le Delport. Pas tête à tête, aura ta tête à terre. Car la vie nous a ken, on est très terre à terre. Te mêle pas de nos vies frères, on a pas temps à perdre. Nos passants c'est de faire fructifier nos affaires. J'suis pas un kid, mais si tu me mets un faux plan, j't'indiquerai tranquillement le chemin de ta tombe. Ouais, j'paierai comme un young, mais t'as vu que j'suis long. Grosse tard d'éléphant, si ma femme me trompe. Si t'es un loup, Jackie à la critique aussi facile qu'une pétasse ne clique pas. Ou alors va niquer ta mère, ou bien mes potes vont le faire et tu seras un fils de plus de mes ne clique pas. Ok, tip pas. S'il te demande d'où je viens, dis-leur que je suis pas derrière. Moi je veux être partout comme le drapeau algérien. Je suis un XP par bad boy. Bicolo cocaine cowboy. Je vis chaque jour comme si je devais partir demain. Pourtant j'ai peur de partir sous alcool. Mes pétailles s'extirpent ta cargole. Mes bigots parlent de ramener pardon. C'est ce qu'elle intéresse et j'avoue de gérer Spider-Man. Me cagouler pour faucher le pactole. Ils se demandent comment je rappe à la vitesse d'énormes cernes. Ils se demandent combien de temps j'ai pas dormi vu mes cernes. Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es. Bico c'est la perpétuité que notre ami dessert. Bicolo colo cap put your hands up in the air. Ils doutaient que j'ai démoli via la langue de Molière. Malheureusement je suis sorti de l'anonymat. Que vos mères, les gars, c'était dans la nuit noire qu'il fallait croire en la lumière. Prenne fleurie, bois dans la santé, only. J'compte enterrer le rap game comme promis. Mental, Ali, la pointe, soit tag, Maui. Flotter, young money. Doucement sur mon champagne, sale biatch. C'est que dans la vie, tout se paye, sale biatch. Et ta potelle, j't'appelle à midi, mais j'te lâche pas jusqu'au lendemain midi. C'est quand même le nouveau baisse de mon département. 9-5 villes et belles mises à la demande. Tu veux représenter, fais-le correctement. No hashem pas, voilà qu'on te lâchera pas. Tu veux démon, on te laissera pas. T'as le démon, je sais que t'auras. C'est mon revoir les mecs de Villiers-le-Bel. On sommet comme à l'époque du secteur A. B-I-2-L-I-E-R-S. Chez nous le petit tir sur les CRS. Monsieur l'inspecteur, moi j'étais pas dans les émeutes. Sur la tête de mon CRM. Filet le bel, on est plus que des terres sales, comme un butin qu'on déterre. Aval, maintenant t'as plus qu'à te taire. Cavale où tu finis plus bas que terre. L'argent ne fait pas le bonhomme, car une paire de couilles ça coûte cher. Ton équipe te suce la bite, moi j'haga le beat. Et c'est moi qu'elle écoute cher. Mon équipe je gère, on m'a dit que je gêne. Ton équipe me cherche. Dis-leur que je vais relever le niveau. Dis-leur que j'ai saigné, les scénages j'ai gêne. Je m'appelle Kamel le nouveau. C'est 100% rap français dans la nocturne. Guapa, présente-nous ce son, s'il te plaît. C'est le Wild Ball Remix, mon gars. Avec qui? La Crime, Kalash Lafro, Wanis 31, DJ Snatch, Steel French, Kamel le Nouveau, Ice MC. Nocturne, 100% rap français. Il est 1h08. Je crois qu'il est grand temps de basculer en nocturne. Classique. La classique. Je vous l'avais promis, il débarque dès lundi dans Planète Rap entre 20h et 21h, 100% rap français. Skyrock. Le docteur est dans la maison. Planète Rap. 100% rap français. Oui. Ouh. Allez, presque une heure avec Gynéco. Une heure. Et dans Planète Rap dès lundi, 20h-21h à pas louper. Comme beaucoup de filles, tu rêves d'être Brenda, d'avoir ton Dylan et d'insulter ton papa. Tu viens d'avoir 15 ans, intéressant. Ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents. Mais si tu acceptes ces conditions, on jouera à des jeux polissons. Tu seras Hélène et je serai tous les garçons. Je serai l'abeille qui va lécher ton miel. Je te ferai ton premier baiser. Mais ne sois pas fâché contre les filles d'à côté qui dans leur classe de mannequin veulent m'attirer. Test psychologique. logique. Méfie-toi des bluffs astrologiques. Si tu te demandes comment draguer cet été, pour te conseiller, je suis ok. Monte sur mon podium, n'aie pas peur de l'homme ni de son spéculum. Tu n'aimes pas les mineurs et préfères les majeurs. Bravo, girl, mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Ton année, tout le monde te l'a répété. Tu seras avocat, comme a dit ta mère, ou médecin, comme le veut ton père. Le bac, c'est l'enfer cette année, ta flair. Normal quand on passe sa vie en boîte de nuit dans le délire. Tu as raison d'allier travail et plaisir, mais laisse de côté les cris que tu maîtrises mal. Je te ferai passer l'oral sur ma fleur de mal. Viens réviser, oui, viens réviser. Révise tes mathématiques en mesurant ma trique pour te faire délivrer mon ordonnance. Passe à mon cabinet, mais en cas d'absence, je te rappelle qu'il faut que t'appelles. Si je ne suis pas là, que tu rappelles, je t'appelle. Mon numéro de phone, tel le 36-63-63-40. Le docteur devient correcteur pour sa patiente. Comme mon cœur, mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Tu classes, range pour la même paye à la fin du mois. Ton patron te fait des avancées, pour l'instant tu recules. Ton mari critique tes dépenses, alors tu tricotes des pulls. Tu veux sortir et aller en soirée, mais il est trop occupé à regarder où est Aginola et ses potes du PSG. Femme battue, rime avec coupe du monde. Si relation sexuelle s'accorde avec victoire, ne compte pas sur l'équipe nationale qu'il foire. Il se saoule, il joue au boules. Et toi, pour que ta vie s'améliore, t'attends ta promotion et la montée de Marseille en première division. Si tu cherches un amant, si tu veux un mec marrant, mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Et voilà le retour du plus foncé de la clinique. Moi, space l'anesthésiste de la tour de contrôle. Avec le doom des cadres toc gynéco. Les sacs pour la rentrée sur le boulevard. Tant attendu par les rats et la scarmicétaire. On pète le champagne, on nique les bénéfices. Les deux schizos ont abandonné la vie sur le morceau. Les gamins de la cité se baladent. Plus fou que jamais, l'école t'est usée dans le cap. Comme le dit Bruno, y'a que du rap à l'eau. Sur toutes les radios, heureusement v'là les secours. La clinique, cercle vicieux. Tu veux mettre une blouse, cela fait partie du jeu. Tout n'est pas si facile.

Hein? Tu connais le, tu connais Arthur? Ouais, Arthur. Et le mec chelou avec les lunettes, hein? À la boucle d'oreille. Hein? Le mec à la boucle d'oreille. C'est fini pour la nocturne. Merci à vous tous d'avoir veillé tard. On est parti, fabuleux ou pas? Go. Allez. Oh. Rap. Skyrock. R&B. Ça se passe sur Skyrock. Non-stop. Yeah. Skyrock. Skyrock. Rap et R&B non-stop.